L'amour aux antipodes par Tasma. Chapitre 1er. Voulez-vous savoir à quoi songeait le capitaine Arthur Lascelles Saint-Jean, ci-devant officier de cavalerie dans un des plus beaux régiments de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, aujourd'hui pauvre convalescent amaigri, aux yeux fatigués, aux doigts transparents? Vous vous apercevez qu'en effet il songe très sérieusement, comme on ne le fait parfois qu'à la suite d'une longue maladie, lorsqu'on passe en revue son existence antérieure, et que l'on se trouve en face de l'inexorable « à quoi bon » qui résulte de toute délibération profonde. Sa vie d'autrefois lui déplaisait fort. Cette existence désœuvrée d'officier en inaction, aux jouissances banales, lui semblait peu digne. Il n'avait nulle envie de la reprendre. Il lui fallait désormais un but. Quand il lui arriverait encore de se trouver en danger de mort, chose à laquelle il n'avait guère songé dans la vigueur de ses 38 ans, il ne se dirait plus « j'ai été un paresseux, un inutile ». Il est vrai qu'il ne précisa pas tout à fait la direction qu'il devait donner à son ambition. Il sentait en lui le besoin d'agir. Il se mettrait à travailler à la 11e heure. La forme que prendrait ce travail resta indéterminée. Seulement sa résolution de l'entreprendre était bien arrêtée. 3 siècles plus tôt, il lui serait peut-être venu en tête que Dieu lui faisait appel, et là-dessus il aurait organisé un nouvel ordre religieux. Mais il était plutôt railleur et sceptique que dévot. Ce qui l'aida à la fin à entrevoir un plan d'action, ce fut une petite miniature qu'il venait de découvrir au fond d'une vieille boîte en ivoire remplie de lettres d'ancienne date. Il avait fait poser la boîte sur son lit et en avait pris la clé entre ses mains tremblantes, curieux de découvrir ce qui s'y cachait. Le moment n'est pas mal choisi pour étudier sa physionomie, car étant bien seul, on le voit tel qu'il est, c'est-à-dire d'aussi près qu'il est possible de voir un être humain, dans lequel le grand écrivain psychologique Oliver Wendell Holmes a déclaré qu'il y avait 3 individualités séparées, celle qu'on reconnaît soi-même, celle que le monde extérieur reconnaît, celle que Dieu reconnaît seul. Regardons Arthur un instant avant que les émotions que va éveiller le contenu de sa boîte n'aient affecté le calme de son visage. Il a la tête bien posée sur les épaules, elle est d'une forme gracieuse. Du reste, on comprend que pendant son enfance, elle a dû être une de ces têtes qui donnent envie de les caresser. Aujourd'hui, elle est couverte d'une chevelure courte et soyeuse, plutôt grisonnante que noire. Quant aux yeux, dont la couleur brune, aux reflets fauves, doit mieux s'harmoniser avec le teint chaud de la santé qu'avec la pâleur presque transparente de la convalescence, on voit tout de suite que ce sont des yeux au pouvoir magnétique qui semblent faits pour dominer. Ils imposent par ce qu'ils ont d'inflexible et de railleur dans le regard. Arthur est bien seul. On ne voit parmi ses meubles, méthodiquement adossés contre la muraille, aucune trace d'une main délicate. Une femme n'eût jamais laissé entrer ce soleil brûlant des premiers jours de l'été à Londres par des fenêtres sans rideaux. Oui, il était bien seul. Seul avec sa petite boîte en ivoire, reliquaire qui lui parlait des aspirations de sa jeunesse. Il ne lui restait qu'à trouver au fond de la boîte une nouvelle image de l'espérance, qui déploierait ses ailes dorées en s'échappant de son oubliette, la miniature que l'on sait, et là-dessus il l'approcha de ses yeux et la regarda longuement. L'espérance, qui renferme en elle presque tout ce qu'il y a de plus noble, puisqu'elle ne désespère jamais du bien, l'espérance est presque toujours revêtue d'une forme de femme. Ce n'était pourtant pas le visage d'une femme que représentait cette miniature qu'Arthur dévorait des yeux. C'était un joli portrait d'enfant aux yeux bleus et mutins qui devait être femme un jour. En attendant, on aurait voulu la garder à tout jamais dans la période enfantine, comme le type de ces êtres gracieux et innocents qui peuplaient le monde pendant l'âge d'or. Ses cheveux coupés courts encadrait son front large et blanc d'anneaux mignons, d'un blond lustré. Elle gardait la bouche fermée, ne l'entr'ouvrant pas comme la plupart des enfants, ce qui donnait à ses lèvres roses un petit air résolu et annonçait une volonté ferme. En regardant ce portrait, le quart d'un siècle s'effaça dans l'imagination d'Arthur. Il croyait se revoir à l'âge de 12 ans, élève de l'école militaire de Woolwich, revenu chez son père pour ses vacances de Noël. sa jeunesse ne lui souriait guère. Une vieille maison, qui manquait de tout, sauf d'une certaine saveur d'antiquité à laquelle son père attachait beaucoup d'importance, de longues tirades de celui-ci, qui avait pour objet de lui prouver que ses ancêtres étaient nobles et que sa fortune était nulle, voilà ce que ses souvenirs lui rappelaient. Tout cela l'avait attristé au moment où il fut en âge de comprendre. Puis un jour, c'était le jour de Noël même, il y avait 25 ans, on lui avait placé entre les mains cette même petite miniature qu'il regardait aujourd'hui, et on lui avait dit « Tiens, c'est ta cousine du Nord, c'est ta petite femme, vois-tu, car elle le sera un jour, et elle relèvera la fortune de ta famille. » L'enfant avait pris sa miniature en affection. Il ne manquait jamais, depuis, de poser ce portrait sous l'oreiller de son lit avant de se coucher le soir. En pension, il se donnait une peine infinie pour cacher son secret à ses camarades. Il savait déjà par cœur la configuration de chaque anneau doré qui reposait sur les tempes du portrait, les grains du collier de corail rouge qui faisait cercle autour de ce col mignon lui parlaient aussi hautement qu'un espagnol dévot les perles de son chapelet. Il causait souvent avec sa petite femme, et comme il ne l'avait jamais vue, il rêvait de la rencontrer telle qu'elle apparaissait sur sa miniature. Il aurait voulu la trouver exposée à un imminent danger pour le bonheur de se révéler en la sauvant. Toute gravure des enfants égarés dans le bois l'attendrissait. Il crut toujours voir sa cousine dans celle qui pose sa tête mourante sur le sein de son frère. Lui ne l'aurait jamais laissé mourir ainsi. Il eût été capable d'étrangler les bêtes féroces de la forêt pour la nourrir. C'était bien, comme on le lui avait dit, sa petite femme à lui. Il n'en voulait pas d'autre, et il eût voulu hâter les jours de son enfance pour pouvoir la tirer entre ses bras. Des vœux de la sorte ne sont pas rares chez les enfants dépourvus de mère. Seulement, comme les jeunes gens en Angleterre rougiraient peut-être plus de découvrir un sentiment tendre que d'avouer un crime, Arthur sut renfermer ses rêves et ses désirs au plus profond de son cœur. Nul n'eût pu soupçonner en lui une plus grande ambition que celle d'être toujours au premier rang dans les jeux athlétiques ou de pugilat pour lesquels les Anglais sont si renommés. Nul n'eût pu savoir combien il se berçait dans son beau rêve. Autrefois, quand les sœurs de ses camarades venaient voir leurs frères, il aurait voulu être à la place de ces derniers. Il sentait comme un vide autour de son cœur en écoutant ce babil de famille, dans lequel il n'entrait pour rien. Mais à présent, il n'eût voulu être à la place de personne. Il n'eût consenti à échanger sa cousine contre aucune de ces demoiselles au sourire doux et bien intentionné. Il avait cédé tout entier à une influence puissante, inspiré par une émotion à laquelle il ne comprenait encore rien, et ce qui, pour tout autre, n'eût été qu'un épisode dans les expériences intimes d'une âme d'écolier, devait devenir le sentiment dominateur de son adolescence. On conçoit ce qu'il y eut de désespérant pour lui à voir disparaître, de la manière la plus inattendue, le songe qu'il chérissait depuis tant d'années. Le mirage qu'il avait vu tout rose devait s'effacer en nuages gris. Non seulement le mariage dont il avait été question devait manquer pour des raisons de famille, mais encore Arthur ne parvint pas une seule fois à voir sa cousine. Son père mort, et lui héritier de ses dettes, il ne lui restait que sa solde de cadet militaire pour suffire à ses besoins. Néanmoins, il ne perdit pas espoir, jusqu'au jour où il apprit que les parents de sa fiancée, ayant subi de leur côté une perte de fortune, étaient partis pour les antipodes en emmenant leur fille avec eux. Dès lors, il perdit toute trace de l'être qu'il aimait. Mais on aime bien, dit-on, que la première fois. L'amour qu'il avait voué à une vision refusa de renaître pour des réalités. Il l'effleura en 1000 occasions sans le tenir une seule, et arrivé à l'âge où les hommes perdent d'ordinaire le besoin d'aimer et se contentent de se faire aimer tout tranquillement à leur tour, il revint à ses premiers amours comme s'il eût regardé pour la première fois de sa vie la tête blonde et bouclée de sa cousine. « C'est maintenant une bonne mère de famille, » dit-il, et il se réveilla en sursaut de son rêve. En effet, ce devait être aujourd'hui une femme à la taille arrondie, bonne ménagère, siégeant, toute puissante, au foyer domestique. Pourtant, à mesure que son rêve se dissipait, l'habitude qu'il avait prise de faire des confidences à sa miniature lui revint. Il se rappela la superstition de son enfance, qu'il avait mené jusqu'au point de demander des conseils à ce portrait, et il regarda de près les lèvres roses qui étaient jadis l'oracle qui guidait ses pas. C'était peut-être un effet de sa faiblesse. Il ne croyait à rien, comme il ne niait rien, étant ce qu'on appelle en Angleterre un agnostique, une sorte de positiviste achevé. Mais il lui sembla que les lèvres closes s'entr'ouvraient et qu'elles lui jetèrent pendant un instant ces deux mots « émigrer aussi ». Dès ce moment, cette idée de s'expatrier s'empara de son esprit. Le lendemain, son médecin le trouva presque en état de se lever, rajeuni et engraissé depuis 24 heures. Cependant, à mesure qu'il reprit ses forces, l'idée de retrouver sa petite femme à l'autre bout du monde n'entra plus dans ses plans d'émigration. Le besoin seul de changer d'entourage et de manière de vivre allait en augmentant. Arthur aspirait maintenant à laisser dans le vieux monde cette partie désillusionnée de son être qu'il venait de retrouver à la suite de sa maladie. S'établir dans un pays qui avait fait son début en plein 19e siècle, ce serait s'affranchir de tous les préjugés qui y proviennent, dans l'ancien monde, des institutions créées pendant l'asservissement des esprits. Arthur comptait recommencer sa vie sur un sol où l'on ne trouverait aucun monument d'une servitude du passé. Il partirait presque sans ressources, mais en revanche, il serait armé d'un fonds inépuisable de courage. Tout homme en pleine santé, ayant pour lui une intelligence prête à s'appliquer aux choses ordinaires aussi bien qu'aux choses extraordinaires de la vie, de bons bras et le respect de soi, n'a rien à redouter, même à la place de notre héros.